sur ma vie. J'suis pas bien qu'on me laisse, ils me cherchent pas là. Oh là, ils ont mis, oh là, ils ont mis. Y'a une voiture 46 qui s'égale. Oh là, ils ont mis, oh là, ils ont mis. J'suis pas bien qu'on me laisse, ils me cherchent pas là. On m'appelle Lovely, j'suis dans ma carie. Y'a une voiture 46 qui s'égale. Oh là, ils ont mis. Oh là, ils ont mis. Oh là, ils ont mis. Des CRS à l'entrée du check et j'ai pas de permis. Et ils se croient tout permis. Tu voulais du bon, tu es servi. J'avoue là ils m'ont énervé, qu'on me demande plus de sermon. Dans mon lit j'fais des grosses boulettes sur mon pull. On se blesse entre amis, on se parle plus, on se reparle et y'a rancune. Ils iront se faire enculer. J'vais pas sucer pour passer à la télé, j'suis pas manipulé. Si j'avance j'vais pas reculer. Moi qui m'a dit tu l'es, j'traîne pas là où ça pulait. J'n'ai qu'à l'oseille à skipper finiront comme le shit que j'viens de brûler. Mais si te frappe une menace, t'es tombé sur un bolos. Il a rien dans le cerveau, tu vois il parfait parce qu'il est beau gosse. J'suis pas trop bien qu'on me laisse. Je me lasse, je mets mon son pour pas écouter tous ces pics qu'on me lance. Des fois je sens qu'on me délaisse. 25 piges, j'ai sorti une Ferrari. Mais c'est souvent quand tu sens que tout va bien que le pire arrive. On s'aime, mais des fois je sens qu'on périt, chérie. J'oublie tout au volant du BM, rabut sur le périphérique. Marseille, Paris, aquarium, mec dans leur Audi. Avec Wario, on fume la toxique ou même la Audi. Sur ma vie, j'suis pas bien qu'on me laisse, ils me cherchent pas là. Y'a une voiture 46 qui s'égale. Oh là, ils ont mis, oh là, ils ont mis. J'suis pas bien qu'on me laisse, ils me cherchent pas là. J'suis dans ma taille, y'a une voiture 46 qui s'égale. Trop de fils de bâtard là, qui m'ont mis la mort. Change de camp quand ça va pas là, j'suis pas trop d'accord. J'ferai pas la puta si on a passé un accord. Ok, qui m'entend venir quand j'fais cracher les rapports. T'as fait de grosses folles, de grosses sommes. Donc bah là-bas, le fait qu'il fait l'homme avec son gun quand mais ça m'attraque. J'rappe pour les vieux, les jeunes, non, mon sang n'a pas d'âge. On est ensemble, sur toi, j'compte, fais pas la tasse. Le soleil brille quand les nuages sont pas là. Le cœur pleure quand les mots font les balafres. Grand frère essaie de faire comme il peut, c'est dur. Pour mon petit frère a mis son coffrage dans une calage. J'ai un cœur pour ça donner au poteau ne me coûte peu. Petit, j'avais pas un, j'mangeais le plat de maman, j'rentre au couvre-feu. Tout le monde me fait la tête. Je sais pas ce que j'ai loupé, ce que je sais moi c'est que j'ai pas laissé mes frangins pour une poupée. J'allais nique ton père la cagette, tu parles sur moi en cachette. Tiens un calibre, t'es beau mais t'as pas une balle dans la gâchette. Je me rachète, si j'ai fait ma putain d'erreur. On me dit tu te fais rare, le succès me range de l'intérieur. Sur ma vie, j'suis pas bien qu'on me laisse, ils me cherchent pas là. Oh là ils ont mis, oh là ils ont mis. Y'a une voiture 46 qui s'égale. Oh là ils ont mis, oh là ma vie. J'suis pas bien qu'on me laisse, ils me cherchent pas là. C'est la crise au check, mec. Alors putain de merde.